Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il est le Fils unique du Père. Alléluia. C'est la seule personne qui peut dire, le Père me connaît. Je connais le Père. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est le seul qui connaît Dieu. Personne d'autre ne le connaît, si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler ? Jésus connaît Dieu, son Père. Il dit, moi, je fais la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes frères et sœurs, je vais lire un passage que vous connaissez dans Ésaïe 14 au verset 13. Ésaïe 14 au verset 13. C'est le diable qui va, on va nous dire les pensées, les paroles que Satan avait prononcées. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous vous rendez compte? Un ange qui dit, Dieu, tu es grand, tu es Dieu. Moi et toi, on va être égalité pareil. Je vais être comme toi. Mon trône aussi sera au-dessus de tes étoiles. On va être égal à égal. Moi aussi, les gens vont m'adorer comme on t'adore. Les gens vont faire des courbettes devant moi, comme les gens se mettent à genoux devant toi. Moi aussi, moi et toi, on va être pareil. Moi aussi, je vais être Dieu comme toi. Au verset 14, je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il a pris une décision. Moi, Dieu, moi, je vais être, moi et toi, égalité. Je serai semblable à toi. Moi, je serai comme toi. Tu as des anges qui sont à ton service. Moi aussi, je vais avoir des anges à mon service. Moi et toi, ça va être égalité. Ça, c'est ce que le diable a dit. Mais ce qu'il avait oublié, bien aimé, et ce que les francs-maçons des hommes occultes oublient, jamais, vraiment jamais, une créature sera égale au Créateur. Jamais de la vie. Dieu garde une longueur d'onde au-dessus de sa créature. Jamais une créature va être égale à Dieu. Béni soit le Seigneur, heureusement pour nous les hommes, qu'il en est ainsi. Vous vous rendez compte? Alors, je reprends au verset 14. Le diable dit, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Au verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Alléluia! Dans les profondeurs de la fosse. Il a été précipité. Dieu a dit, celui-là se prend pour qui? Il a été précipité dans le séjour des morts. Mon frère, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça afin que tu saches que les combats, les attaques que tu as jour et nuit viennent de ce jaloux-là. Il est jaloux parce que son avenir, c'est le séjour des morts. Son avenir, c'est l'enfer. Son avenir, c'est le lac de feu. Et quand il te voit, il voit le nom de Jésus sur ton front. Il dit, celui-là, je ferai tout pour qu'il n'aille pas au ciel. Le diable connaît le ciel. Avant d'être précipité sur terre, il était là-bas. Il sait le bonheur, le luxe, la joie, la paix, la vie qui t'attend. Il connaît. Et quand il voit ça, il dit, ah, non, non, non, non, non, jamais. Celui-là, je ferai tout pour qu'il soit bloqué, pour qu'il jette l'éponge. C'est pourquoi tu es attaqué dans ton corps. C'est pourquoi il y a des maladies. C'est pourquoi les femmes, les hommes de nuit t'attaquent la nuit. C'est pourquoi tu es harcelé, problème sur problème. C'est le diable qui veut te détruire. Il veut que tu dises, j'ai gêné, j'ai prié, je ne vois pas de changement, je laisse tomber. Il peut t'amener à ça. C'est pourquoi tu subis les attaques. C'est pourquoi il s'acharne sur tes enfants. La Bible dit, si l'on t'attaque, ça ne vient pas de moi. Mais celui qui t'attaquera tombera sous ton pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Parce que Dieu savait que Satan va te livrer la guerre. Le diable connaît les élus. Il sait que celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là n'est pas comme Judas. Judas est dans l'église, mais là, il y a le monde. Son cœur est rempli de l'amour du monde. Judas est dans l'église, mais il danse dans les boîtes de nuit. Judas est dans l'église, mais il boit au quartier, il boit en cachette. Il fume la cigarette quand les frères ne sont pas là. Il boit de l'alcool quand les frères ne sont pas là. Le diable sait que tu es Judas. Que dit Jésus? Quand il parle à son père, il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition. Il y a des fils de la perdition dans l'église. Des gens qui se disent bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés, alors que c'est un faux. Mais le fils de la perdition ira à la perdition. Ce n'est pas tout le monde qui est vrai bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui est la vraie sœur en Christ. Il y a des sorcières aussi et des sorciers dans l'église. Souvenez-vous de cette parabole du champ. Jésus dit, un planteur avait planté le blé et pendant et la nuit, son ennemi est venu semer l'ivraie. C'est-à-dire que le diable sème dans l'église l'ivraie. Il peut être pasteur, peut être diacre, il peut être à la chorale, il peut être dans l'assemblée. Mais c'est un chrétien, il est dans l'église, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Il va en boîte de nuit. Il a des copines partout. Il marche dans la chair. Il fume la cigarette en cachette. Il vient jouer l'homme spirituel, la femme spirituelle, quand il est au milieu des croyants. Mais quand il est seul, c'est une autre personne. Il y a des gens comme ça. Au milieu des chrétiens, il prend le masque. Il devient brebis de Dieu. Mais une fois qu'il est hors des chrétiens, c'est un païen pur et dur. À 100%. Il y a des gens comme ça. Et quand tu es comme ça, le diable te connaît. Il sait que même s'il te voit danser à l'église, il sait que toi, tu es mon serviteur. Tu mens. Tu mens. Tu n'es pas vrai enfant de Dieu. Tu mens. Donc, bien aimé, le diable pensait qu'il va être égal à Dieu. Et le combat qu'il livre aujourd'hui, c'est pour que les gens viennent vers lui. Et lorsque Jésus a fait son jeûne de 40 jours, il vient trouver Jésus. Jésus ne l'a jamais appelé. Jésus fait son jeûne. Et puis le diable vient. Pas la peine de faire tout ce que tu fais là. Pas la peine. Si tu te mets à genoux devant moi et que tu m'adores, regarde les richesses, je te les donne. Je les donne à qui je veux. Adore-moi et je te les donne. Mais Jésus n'a pas besoin de la pourriture pour vous rendre compte à quel point le diable est vraiment bête. Il s'adresse à qui? Jésus, ce n'est pas quelqu'un comme moi. Jésus, c'est le Fils du Père. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Jésus, c'est la vérité. Vous vous rendez compte? Quand vous parlez à quelqu'un qui est la vérité, à quelqu'un qui est la sainteté, rien que Jésus n'a même pas besoin de te poser la question, qu'est-ce que tu as mangé hier? Rien que par son regard, il te connaît de A à Z. Il sait ce que tu as fait il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Il connaît tout. Il a tous les infos de ta vie. Il a tout l'historique de toi, rien que par le regard. Et le diable va lui parler. Et quel diable? C'est celui qui avait perdu la guerre au ciel. Il est maintenant sur terre. Vraiment, qu'est-ce que le diable est bête? Jésus revient du royaume de Dieu, où il y a la gloire de Dieu. Et le diable lui propose les choses de la terre, les choses qui périssent. C'est que le diable ne raisonne pas. Il est vraiment bouché. Il a la boue dans la tête, la boue. C'est pourquoi il s'acharne vers toi. Mon frère, je fais cette vidéo pour t'exhorter. Il veut que tu jettes l'éponge. Toutes les attaques, les difficultés que tu rencontres, il veut t'amener à dire, je ne vois pas de changement, je laisse tomber. Dieu ne répond pas à mes prières. Donc ça ne sert à rien de continuer à prier. Il veut t'amener là. Et quand tu arrives à ce niveau, il applaudit, il dit à ses démons, mission accomplie. Celui-là, vous pouvez le lier. Il est prêt à retourner dans le monde. Parce que j'ai entendu une femme dire, oh, je ne comprends plus rien, je prie. Quand j'étais dans le monde, il y avait au moins toujours un peu d'argent dans mon sac parce que mes copains me donnaient l'argent. Maintenant que je prie, je n'ai plus de copains, je n'ai même pas un centime pour prendre le bus. Avant, je ne connaissais pas la dèche comme ça, la dèche. Même pas un centime. Je n'avais pas cette dèche-là avant. Mais depuis que je me suis converti, comme j'ai coupé avec les copains, maintenant même pour quelques pièces, pour une baguette de pain, il n'y en a même plus. C'est ça le diable. Ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, tu danses dans l'église, tu aimes Jésus, tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur. Que ce soit dans l'église ou chez toi, le diable te dit, ok, elle adore Jésus. Il faut que je lui colle un homme physiquement qu'elle aime, mais qui dans son cœur fera tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. C'est pourquoi attention à celui que tu vas épouser, ma soeur. Bien-aimé, pareil. Parce que si le diable te colle une jolie fille là, belle, mais sorcière, tu es foutu. C'est-à-dire que tu auras dans ta maison un agent de l'ennemi qui va le renseigner de tout ce que tu fais et le diable va t'attaquer. Donc, bien-aimé, c'est ce diable qui a envoyé dans l'église des loups qui se déguisent pour attaquer, pour manger les brebis. Le loup n'est pas dans l'église pour guérir les brebis ou pour s'occuper des brebis, mais pour les manger. Il est là pour manger, il se déguise afin que les brebis ne fassent pas attention, ne se méfient pas de lui, que les brebis ne sachent pas qui il est. Et les vidéos que nous faisons, c'est juste pour le mettre à nu, afin que le masque tombe, pour que la brebis du Seigneur sache à qui il a affaire. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Il faut être vigilant. Des gens qui posent des questions, mon mari ne croit pas, frère, qu'est-ce que tu me demandes? Moi, je ne veux pas te dire divorce. Je ne suis pas ton berger. C'est Jésus qui est ton berger. Va poser les questions à Jésus, pas à moi. Il y a des gens qui ont des questions clés. Au lieu de se tourner vers le maître Jésus, ton berger, tu te tournes vers l'homme. Va demander à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est pas à moi. Moi, je vais te dire quoi? Je ne suis pas ton berger. Je suis ton frère en Christ. Donc, nous devons prier. Nous devons faire attention. Parce que le diable a décidé. Comme il a raté le plan qu'il avait du ciel, au ciel, il voulait être égal à Dieu. Il est tombé sur terre. Il a dit, les hommes vont m'adorer. C'est pourquoi vous voyez que ce soit dans le sport, dans la politique, dans la musique, des gens qui signent des pactes avec lui, il les fait monter pour les zigouiller après. Leur âme est déjà à 100% dans les mains du diable. Même si tu t'appelles Michael Jackson, mais le diable a déjà ton âme. Il peut te tuer au moment voulu. Et le diable, c'est menteur. Quand tu vas signer le pacte avec lui, il va te dire, ok, je vois que tu as 70 ans de vie sur terre. Bon, moi, je veux tout faire pour que tu aies la gloire, le succès pendant 40 ans. Et les 30 ans d'après, tu travailleras pour moi. Mais ce que le diable ne te dit pas, comme c'est le père du mensonge, il te dit, tu seras dans l'opulence pendant 40 ans. Tu auras tout, voiture, maison, les femmes, tu auras l'argent pendant 40 ans. Mais c'est le père du mensonge, ce n'est pas une source sûre. Ce qui sort de la bouche du diable, c'est le mensonge. Toi qui as signé dans les loges, toi qui as signé dans des pratiques occultes, il t'a dit tu vas vivre dans l'opulence, dans l'abondance pendant 40 ans, c'est faux. Peut-être 20 ans après, accident de voiture. Peut-être 20 ans après, une maladie bizarre. Peut-être 30 ans après, quelqu'un t'a poignardé. Tu es mort d'une balle perdue. Mais c'est le diable qui t'a tué. C'est un menteur parce qu'il a déjà ton âme. Donc il peut décider à tout moment, à quel jour, quelle heure, il va te zigouiller. C'est pourquoi il ne faut pas signer le pacte. Et si tu l'as signé, peut-être tu es païen, tu as signé, le diable te fait croire que là, Dieu ne peut plus rien pour toi. Je te dis, c'est un menteur. Donne ta vie à Jésus. Jésus peut tout pour toi. Tout. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père. Tout pouvoir au ciel, sur terre, sous terre. Jésus a tout pouvoir. Et rien ne lui est impossible au ciel. Rien ne lui est impossible sur terre. Rien ne lui est impossible sous terre. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui le patron. Donne ta vie à Jésus, même si tu as signé un pacte. Jésus va te délivrer. C'est Jésus qui a vaincu Satan. Quand on dit au nom de Jésus, Satan prend la fuite. Rien que par le nom. Les démons s'enfuient, ça sort par les fenêtres. Ils rentrent dans les trous. Quand ils entendent le nom de Jésus, ils font pipi debout. Pipi. C'est la terreur quand le nom de Jésus arrive. Donne ta vie à Jésus. Donc, bien-aimés, réjouissons-nous dans le Seigneur. Soyons fiers de notre Père. Il a posé un acte fort. On était tous perdus, bien-aimés. Tous. Mais il a fallu le sang de Jésus à la croix pour que le salut nous ayons gratuitement. La Bible dit, ce n'est plus par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne. Personne ne peut bomber le torse et dire, moi je mérite le salut. Personne. Parce que c'est par grâce. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.